tape des gens dans leur rature. Qu'ont-ils fait de leur temps, n'ont-ils cure? Moi je ne fais pas semblant. La vie est aventure. Qu'importe le vent, je suis ma nature. Courir dans les champs, des étoiles plein la figure. Je passe des heures à saigner pour devenir enseignant. Je passe des heures à saigner pour devenir enseignant. Aujourd'hui la bataille, demain la moisson. Dormir sur la paille au fond de ma prison. Fallait que je m'en aille face à tout ton poison. Je tressaille mais j'ai retenu la leçon. Toujours elle veille, madame, sur les cœurs vaillants. Je passe des heures à saigner pour devenir enseignant. Je passe des heures à saigner pour devenir enseignant.